cette mélodie marque la fin de mes peines et le début de ma vie. J'ai besoin, oh oui, qu'il m'aide, car je suis désespéré. Si c'est pour moi que je plaide, c'est que mon cœur est blessé. Que le ciel comprenne que pour toujours j'ai choisi d'unir mon âme à la sienne. Car cet amour, c'est ma vie, qu'il me délivre des jours de tristesse, de l'ennui et des tourments. Qu'il me délivre des jours sans tendresse, je n'en veux plus maintenant. De l'ennui et des tourments, qu'il me délivre des jours sans tendresse, je n'en veux plus maintenant. Que le ciel me comprenne et que cette simple musique traverse les océans, qu'elle lui dise